même en nous faisant avoir la moindre imagination, or glimpse, to allow you to have a little glimpse, ou entrevoir, vous permettre à vous-même d'avoir un petit coup d'œil of the purity of the gold our father may have used, de la pureté de l'or que notre père peut avoir utilisé to prepare the two wedding rings, pour préparer les deux anneaux de noces. Just imagine this. Juste imaginez ça. He that created all the gold and the diamond and the precious metals of the earth. Jésus a créé tout l'or et les diamants et les métaux précieux de la terre. When it comes to the most important event in heaven. Quand il vient au plus important événement du ciel. The wedding of his son. Les noces de son fils. Our Lord Jesus. Notre Seigneur Jésus. How much purity of gold. Combien plus la pureté de l'or. Do you think the Lord must have placed. Vous pensez le Seigneur doit avoir placé. On that raw material that he used to build the wedding rings. Dans le matériel brut qu'il a utilisé pour les anneaux de noces. How much more pure. Combien plus pur. Would then. These golden rings be. Ces anneaux d'or devront donc être. So that tells you that he must have used the top finest purity of gold. Alors, cela vous dit qu'il doit avoir utilisé l'or dont la pureté est au top du raffinement. Ever existed in heaven. Qui n'a jamais existé dans le ciel. And on earth. Et sur terre. Because Jesus deserves exactly that. Parce que Jésus mérite exactement cela. Considering the beautiful job he did at Calvary. Considérant le beau travail qu'il a fait au calvaire. To redeem all men. Pour racheter tous les hommes. Considering how the Father loves him. Considérant combien le Père l'aime. And so the Lord is speaking to the church in that vision. Et alors le Seigneur est en train de parler à l'Église dans cette vision. Through the purified golden wedding rings, à travers l'or purifié des anneaux de noces. And he's telling the church, et il est en train de dire à l'Église that time has now come, que le temps est maintenant venu and the season has arrived, et la saison est arrivée that you too may be purified, que vous-même devez être purifié by the fire of the Holy Spirit. Par le feu du Saint-Esprit. Remember, when you take gold ore, quand vous prenez un minerai d'or, the impurity, les impuretés, and you pass it through fire, et vous passez ça à travers le feu, you'll always end up with a small amount that is extremely pure gold. Vous allez toujours finir par avoir une petite quantité d'un or extrêmement pur. And by the way, that becomes the true wealth. Et de cette manière devient la vraie valeur of that gold that was a big lump. De cet or qui était une grosse masse. The true wealth of that gold, the original wealth, la vraie valeur de cet or, la valeur originale, is that pure gold that comes out at the end of the firing process, the purification. C'est l'or pur qui ressort après la purification. The Lord is telling the church, le Seigneur est en train de dire à l'Église that right now I see you are corrupted. Que juste maintenant, je te vois corrompu. You have lost your true worth. Tu as perdu ta vraie valeur. And so you are going to miss the wedding of the Lamb of God. Et tu vas être en train de manquer le mariage de l'agneau de Dieu. Unless. Sauf. You allow yourself to pass through the purifying fire of the Holy Spirit. Tu peux te donner le droit à toi-même de passer à travers le feu purificateur du Saint-Esprit. The purification of the fire of the Holy Spirit. La purification du feu du Saint-Esprit. To purge off the sin, the dross. Pour purifier le péché, la saleté. To purge off the sexual sin that has been in the church. Pour purger le péché sexuel qui a été dans l'Église. To purge off the false prophecies that had entered the church. Pour purger les fausses prophéties qui sont entrées dans l'Église. to purify the false prophets that have been in the church. Pour purifier les faux prophètes qui ont été dans l'église. To purify the false pastors that have been in the church. Pour purifier les faux pasteurs qui ont été dans l'église. To purify the magicians that have taken the center stage in the church. Pour purifier les magiciens qui ont pris la place centrale dans l'église. To purify the lies and deception that has been in the church. Pour purifier les mensonges et les déceptions qui ont été dans l'église. To purify the witchcraft that had also entered the church. Pour purifier la sorcellerie qui est aussi entrée dans l'église. To purify all form of defilement. Pour purifier toute forme de défilement. That had made the church in this dispensation. Qui ont fait l'église dans cette dispensation. Lose her true word. Qui ont perdu la vraie parole. And the Lord is saying. Et le Seigneur est en train de dire. Like only a little gold comes out at the end of the processing. Comme un tout petit peu d'or sort du processus. So will I need a remnant church. Aussi, je vais avoir besoin d'une église restante. A church that will now stand with me. Une église qui veut maintenant se tenir debout avec moi. Turn with me to the book of Zechariah, precious people, chapter 13. Tournez avec moi dans le livre de Zacharie, précieux peuple. That you may understand what the Lord is talking about. Et vous pourrez comprendre ce à quoi le Seigneur parle. Zechariah 13, I'm reading from verse 7 to verse 9. Zacharie, je suis en train de lire du verset 7 au verset 9. Look at what he says here, precious viewers. Voyez ce qu'il est dit ici, précieux auditeur. Alléluia. Alléluia. And so I said, et alors j'ai dit that the Lord is using this mighty vision, que le Seigneur est en train d'utiliser cette puissante vision of God Almighty, du Dieu puissant to tell the church, pour dire à l'Église the time has come to be wise. Le temps est venu d'être sage. It is as though the Lord watched the church over the years. Et alors le Seigneur regarde l'Église à travers les ans. And so that she were acting as though she is not wise. Et alors elle est en train d'agir d'une telle manière qu'elle n'est pas sage. And remember that the wise church that Jesus celebrates in Matthew 25. Et souvenez-vous que l'église que le Seigneur célèbre dans Matthieu 25 is the church that lives in the fear of the Lord. C'est celle qui vit dans la crainte du Seigneur. Remember, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Souvenez-vous, la crainte du Seigneur est le commencement de toute sagesse. Alléluia. Alléluia. The fear of the Lord, la crainte du Seigneur, is the beginning of all wisdom. Est le début de toute sagesse. So the Lord is telling the church, alors le Seigneur dit à l'église, the time has come for you to be a wise church. Le temps est venu pour toi d'être une église sage. In other words, to walk in the fear of the Lord. En d'autres mots, qui marche dans la crainte du Seigneur. To walk holy. Pour marcher dans la sainteté. To walk righteous, to shun evil, to turn away from wickedness. De se détourner de la méchanceté. In Job chapter 28, verse 28, the same thing. Dans Job chapitre 28, verset 28, c'est la même chose. He explains the true meaning of wisdom. Il explique la vraie signification de la sagesse. The fear of the Lord and the shunning of evil. La crainte du Seigneur, c'est s'éloigner du mal. But I'm so amazed by the message on purification. Mais je suis si étonné par le message de la purification. That the Lord is bringing forth from the two wedding rings he presented to me in the vision of November 1, 2006. Que le Seigneur m'a apporté des deux anneaux de noces qu'il m'a présentés dans la vision du 1er novembre 2006. Having seen that wedding rings have to be purified, ayant vu que les deux anneaux de noces ont à être purifiés, the gold that makes them, l'or qui les fait, has to be purified through fire, à être purifié à travers le feu, and only a little amount that is very highly pure, seulement une petite quantité qui est vraiment très pure. The true worth of the gold, la vraie valeur de l'or, comes up at the end, vient à travers à la fin. And so it is in the spiritual realm. Et il en est ainsi dans le domaine spirituel. That when the Lord was tilting them, et quand le Seigneur était en train de les bouger, the wedding ring said, look, les anneaux de noces a dit, regarde, these wedding rings are now ready. Ces anneaux de noces sont maintenant prêts. Look how purified they are. Regarde à quel point ils sont purifiés. In other words, placing a burden of responsibility on the church. En d'autres mots, plaçant un fardeau de responsabilité à l'Église. That you too must purify out. Que vous aussi, vous devez être purifié. But purify what? Mais purifier quoi? Purify the life of the church. Purifier la vie de l'Église. Purify the wedding gown. Purifier la robe de mariée. That it may be fine linen, qui est peut-être du fin lin, bright and clean, éclatant et pur, radiant and dazzling somebody, radiant et éblouissant, purifying your Christian walk, purifiant votre marche chrétienne. It's a very mighty spiritual process. C'est un très puissant procédé spirituel. And in Zechariah chapter 13, verses 7 to 9. Et dans Zacharie chapitre 13, versets 7 à 9. This is what he says. Voilà ce qu'il dit. He says. Il dit. Awake, O sword, against my shepherd. Épée, lève-toi sur mon berger. Against the man who is close to me. Et sur l'homme qui est mon compagnon. Declares the Lord Almighty. Déclare le Seigneur Tout-Puissant. Strike the shepherd. Frappe le berger. And the sheep will be scattered. Et que les brebis se dispersent. And I'll turn my hand against the little ones. Et je tournerai ma main vers les faibles. In the whole land, declares the Lord. Dans tous les pays, déclare le Seigneur. Two-thirds will be struck down and perish. Les deux tiers seront exterminés, périront, yet one third will be left in it. Et l'autre tiers restera. This third I'll bring into the fire. Je mettrai ce tiers dans le feu. I'll refine them like silver. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. And test them like gold. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. They'll call on my name. Il invoquera mon nom. And I'll answer them. Et je l'exorcerai. I will say. Je dirai. They are my people. C'est mon peuple. And they will say, the Lord, he is our God. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. This is a very mighty revelation to the church. Ça, c'est une très grande révélation à l'Église. The Lord is saying the time has now come. Le Seigneur est en train de dire, le temps est maintenant venu. That the church may turn away from this excessive worldliness. Que l'Église a se détourné de cette excessive mondanité. That has characterized her countenance. Qui a caractérisé son sérieux. Has characterized her features. Caractérisé sa spécialité, has marked her Christian walk, a marqué sa marche chrétienne, a very compromised walk, une marche vraiment compromise, where there has been nudity in the church, où il y a eu de la nudité dans l'église, false prophecies, no fear of the Lord in the church, de fausses prophéties sans crainte du Seigneur, the traders have been in the church. They've been trading things in the church. Des négociations ont été faites dans l'église. Ils ont commencé à négocier des choses dans l'église. The selling and buying has been in the church. D'acheter et vendre dans l'église. And God Almighty is now saying that look. Le Dieu Tout-Puissant est maintenant en train de dire, regarde. The wedding rings are in the sky. Les anneaux de noces sont dans le ciel. The wedding rings have been prepared. Les anneaux de noces ont été préparés. The process has been finalized. Le procédé a été finalisé. And the Lord is now saying, et le Seigneur dit maintenant, that please allow yourself to be purified, s'il vous plaît, permettez-vous d'être purifié by the fire of the Holy Spirit, par le feu du Saint-Esprit, that you too, que vous aussi, may be my remnant, pourrez être mon restant. And you see, he calls them my people here. Et vous voyez, il les appelle ici mon peuple. Let me bring it to another notch, precious people. Laissez-moi vous amener à un autre niveau, cher peuple. The Holy Spirit is the final authority. Le Saint-Esprit est l'autorité finale. That has been delegated the role of making the Church of Christ radiant. Le rôle qui a été délégué, le rôle qui fait que l'Église devienne rayonnante. So there is no way the church can escape the importance of the Holy Spirit. Alors il n'y a pas de manière pour l'Église d'échapper au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Now look at this now. Alors regardez à ça maintenant. Turn with me to the book of Isaiah. Tournez avec moi au livre d'Ésaïe. Isaiah chapter 26 verse 19. Ésaïe chapitre 26 verset 19. So you may understand what the Lord calls my people. Alors vous pourrez comprendre ce que le Seigneur appelle mon peuple. And that is very pivotal. Ça c'est vraiment important. And critical for the church. Et critique pour l'Église. Because on the day of the wedding of the Lamb of God. Parce que le jour des noces de l'agneau de Dieu, he will take his people. Il va prendre son peuple. And the church had rather be his people on that day. Et l'Église a avantage à être son peuple dans ce jour. Isaiah 26. Ésaïe 26. I'm reading from verses 19 on. Je lis du verset 19 et suivant. This is what he says. C'est ce qu'il dit. Again, Isaiah 26, verse 19. Dans Ésaïe 26, verset 19. To 21. À 21. He says. Il dit. But your dead will live. Que tes morts revivent. Their bodies will rise. Que mes cadavres se relèvent. You who dwell in the dust of the earth. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Wake up and shout for joy. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Your dew is like the dew of the morning. Car ta rosée est une rosée vivifiante. The earth will give birth to her dead. Et la terre redonnera le jour aux morts. Go, my people. Va, mon peuple. Enter your rooms and shut the doors behind you. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Did you hear my people? Est-ce que vous avez entendu mon peuple? Go, my people. Va, mon peuple. Enter your rooms. Entre dans ta chambre. And shut the doors behind you. Et ferme la porte derrière toi. Hide yourselves for a little while. Cache-toi pour quelques instants. Until his wrath has passed by. Jusqu'à ce que la colère soit passée. He says, see, the Lord is coming out of his dwelling to punish the people of the earth. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. For their sins. Pour leurs péchés. The earth will disclose the blood shed upon her. Et la terre mettra le sang à nu. And she will conceal her slain no longer. Elle ne couvrira plus les meurtres. Precious viewers, this is so critical. Précieux auditeurs, c'est tellement important. Because you begin to understand the true definition of my people. Parce que vous commencez à comprendre la vraie définition de mon peuple. That the Lord attaches to the purified church. Le Seigneur se rattache à l'Église purifiée. That is the church that he has passed through the Holy Spirit. Ça, c'est l'Église qui a passé à travers le Saint-Esprit. The fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. And is able to purify and refine her like silver. Et il est capable de la purifier et de la raffiner comme l'argent. And test her like gold. Et de la tester comme l'or. So she's gold worthy. Alors, elle mérite l'or. She tastes like gold. Elle a le goût de l'or. She's a golden church. C'est une église en or. Behold, he comes like a thief. Voici, il vient comme un voleur. The book of Revelation, chapter 16, verse 15. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. And blessed is he who stays awake. Heureux celui qui veille. And keeps his clothes with himself. Et qui garde ses vêtements avec lui. That he may not go naked. Afin qu'il ne marche pas nu. And be shamefully exposed. Et qu'on ne voit pas sa honte. Like a thief. Comme un voleur. The thief comes to steal gold and gold, only the gold he takes. Le voleur vient pour voler l'or et il prend seulement l'or. And so he's telling the church. Et alors il dit à l'église. Make sure you are golden that I may be able to steal you. Soyez sûr que vous soyez d'or. Alors je vais être capable de vous voler. To snatch you away. De vous arracher au loin. To be caught up with you in the sky. D'être pris avec vous dans le ciel. That you may not see the tribulation, somebody. Et vous ne verrez pas la tribulation. He said, blessed are you. Bénissez, soyez bénis, vous. That will be refined like silver. Qui vont être raffinés comme de l'argent. And tested to test like gold. Et testés comme de l'argent. That when I come, I'll snatch you. Comme ça, quand je viens, je vous enlève. I'll be caught up with you in the sky. Je veux être pris avec vous dans le ciel. In the wedding of the Lamb of God. Pour le mariage de l'agneau de Dieu. And here he's talking about the latter outpour. Et là, il parle du déversement tardif. Even in relation to the wedding of the Lamb of God. Encore en relation avec le mariage de l'agneau de Dieu. And now he introduces a new dimension of the wedding of the Lamb of God. Et maintenant, il introduit une nouvelle dimension du mariage de l'agneau de Dieu. He is talking about their sleep in the dust of the earth. Il parle à propos de ceux qui sont en train de dormir dans la poussière de la terre. And yet we know that even the living Christians. Et maintenant, vous savez que même les chrétiens vivants. Who are walking in holiness on that day. Qui sont en train de marcher dans la sainteté dans ces jours. They too will be raptured. Ils vont aussi être enlevés. But who are these dead Christians that will be able to awaken, will be awakened on the day of the wedding of the Lamb? Mais qui sont ces chrétiens morts qui vont être capables d'être réveillés, qui vont être réveillés au jour des noces de l'agneau? They will be the holy Christians. Ça va être les chrétiens qui ont marché dans la sainteté. Who at the point of death? Qui au moment de la mort, were repentant, était repentant, and were completely free from sin, walking in holiness, et était complètement libre du péché, marchant dans la sainteté, having been purified by the Holy Spirit, ayant été purifié par le Saint-Esprit, so that the life-giving Spirit of God, alors la vie donnée par le Saint-Esprit, will identify them and awake them. Veut les identifier et les réveiller. Wake them up. Les réveiller. From the dust of the earth. De la poussière de la terre. And yet the holy Christians. Et maintenant, les chrétiens qui seront saints. Will be alive at the time of rapture. Qui seront vivants pendant le temps de l'enlèvement. Will be transformed. Seront transformés. Translated. Transférés. And they too be caught up. Et ils seront pris. So they can catch up with the living who have been resurrected. Alors ils peuvent être pris avec les vivants qui ont été ressuscités. Who are with the Lord in the sky and they too now the living transformed, translated. Qui sont avec le Seigneur dans le ciel et eux aussi maintenant les vivants transformés, transférés, the holy translated Christians, les saints transférés chrétiens, fully transformed into spiritual beings, complètement transformés en un être spirituel, that they too, que eux aussi, may now be able to be raptured into the kingdom of God, vont être aussi capables d'être enlevés dans le royaume de Dieu. In finishing, precious viewers, pour finir, précieux auditeurs, in the book of 1 Corinthians chapter 15, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 15, verses 50 to 56, versets 50 à 56, he says, il dit, I tell you the truth, brethren, je vous dis la vérité, frères, the flesh and blood, la chair et le sang, will not inherit the kingdom of God, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. And he says, the perishable will not inherit the imperishable. Et il dit que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. The mortal will not inherit the immortality. Le mortel n'héritera pas l'immortalité. And he says, when the perishable has finally been converted to the imperishable, il dit, quand ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, and when the mortal has been converted into the immortality, et que ce corps mortel a revêtu l'immortalité, then the saying that is written will come true. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Death has been swallowed up in victory. La mort a été engloutie dans la victoire. In other words, en d'autres mots, the day of the wedding of the Lamb of God, le jour des noces de l'agneau de Dieu, which is the day of rapture, qui est le jour de l'enlèvement, is the day of the greatest fulfillment of one of the most important prophecies in the Bible. C'est le jour du plus grand accomplissement de d'une des plus grandes prophéties dans la Bible. The prophecy in Genesis chapter 1 verse 26. La prophétie de Genèse chapitre 1 verset 26. Where he said, "Let us make man in our own image and likeness." Où il dit, faisons l'homme à notre propre image, notre propre ressemblance. Because God does not die. Parce que Dieu n'est pas mort. So the image of likeness, the image and likeness of God, alors l'image de la ressemblance de Dieu, is not this physical flesh we wear. Ça n'est pas la chair physique que nous avons. The image and likeness of God is a spiritual image. L'image de la ressemblance de Dieu est une image spirituelle. It is an immortal image. Une image immortelle. It's an imperishable image. Une image impérissable. It's a radiant image. Une image radieuse. It's a holy image. Une image sainte. A righteous image. Une image juste. A heavenly image. Une image céleste. So the day of the wedding of the Lamb of God. Alors, le jour des noces de l'agneau de Dieu, that's the day when the remnant church, the radiant church, c'est le jour où l'église restante, l'église radieuse, will have overcome death. Aura vaincu la mort. Because she will on that day, parce qu'elle veut être, en ce jour, enter into the kingdom of God. Entrer dans le royaume de Dieu. Never again will death touch her. La mort ne la touchera plus jamais. In other words, en d'autres mots, she will have overcome sin. Elle aura vaincu le péché. Because we know that the wages of sin is what brings death. Parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. So it's so critical. Alors c'est si important. That the church prepares for the wedding of the Lamb of God. Que l'église se prépare pour le mariage de l'agneau de Dieu. I am announcing the coming of the Messiah. J'annonce la venue du Messie. I am announcing to you, je vous annonce, that I have seen the wedding rings in the sky, que j'ai vu les anneaux de noces dans le ciel, the wedding rings for the spiritual wedding of the Lamb of God, les anneaux de noces pour le mariage spirituel de l'agneau de Dieu. Prepare the way of the Lord in your hearts. Préparez le chemin du Seigneur dans vos cœurs. Return to righteousness and holiness. retourne à la justice et à la sainteté. For the kingdom of God has now drawn nigh. Parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. It's very near. Il est très près. The wedding of God, le mariage de Dieu, the wedding of the Lamb of God, le mariage de l'agneau de Dieu, is at hand. Est à portée de main. If you are somewhere, you are pastor, you are bishop. Et si vous êtes quelque part, vous êtes pasteur, vous êtes bishop. You've not been a Christian, you are whatever religion you are. Vous n'avez pas été un chrétien, quelle que soit votre religion. Or even you are a Christian, but you've not been right with God. Et même si vous êtes un chrétien et que vous n'êtes pas droit avec Dieu. And now you used to think that there was so much time. Et maintenant, vous avez eu l'habitude de penser qu'il y avait encore tellement de temps. And now out of this message you've just woken up the fact that the wedding of the Lamb of God is near. Et maintenant, hors de ce message, vous qui vous êtes juste réveillé au fait que le mariage de l'agneau est prêt. And if you feel that you want to receive him today. Et que vous sentez que vous aimeriez le recevoir aujourd'hui. Repeat this prayer. Répétez cette prière. Say precious Jesus. Dites précieux Jésus. I repent today. Je me repens aujourd'hui. And I surrender my life to you on this day. Et je te consacre ma vie aujourd'hui, en ce jour. And open my heart to you. Et je t'ouvre mon cœur. Please wash my heart. S'il te plaît, lave mon cœur. With your precious and holy blood. Avec ton frais et saint sang. And fill me with the Holy Spirit. Et remplis-moi du Saint-Esprit. Transform me into a spiritual being. Transforme-moi en un être spirituel. And prepare me. Et prépare-moi. For the wedding of the Lamb of God. Pour le mariage de l'agneau de Dieu. The rapture of the church. L'enlèvement de l'Église. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am born again. Je suis né de nouveau. If you have said that prayer, find a Bible teaching church, share with somebody. Si vous avez dit cette prière, trouvez une église qui enseigne la Bible, partagez avec quelqu'un. Shalom, may the Lord bless you. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.